Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma sœur. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Dieu dit, même si elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Les épreuves que tu traverses ne sont que passagères. Après ces épreuves, il y a la main de Dieu qui va se manifester. Il y a la gloire divine qui se manifestera. Ne perds pas courage. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Juges chapitre 9, 1 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Juges chapitre 9, 1 à 21. Abimélec, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominèrent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car il disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 sicles d'argent qu'ils enlèvèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent bruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et les buissons d'épines répondirent aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main des Madians. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils 70 hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimélec fasse votre joie et vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem, et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Amen. nous allons partager deux grandes vérités tirées de ces passages. Voici la première vérité. Nous devons éviter de méthodes anormales pour chercher à régner sur les autres, sur un peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent régner comme ministre, comme PDG, comme président d'église, comme président de la République, comme maire, comme député. Mais nous devons éviter des méthodes qu'un certain Abimélec a utilisées. Abimélec était fils de Gédéon, mais fils de la servante de Gédéon qui était originaire de Sichem. Gédéon avait laissé 70 autres fils. Abimélec va chercher maintenant à régner sur les habitants de Sichem et d'éliminer les autres frères de son père. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va utiliser la fibre ethnique ou tribale. Ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est-à-dire, il va voir les habitants de Sichem pour leur dire « Vous êtes mes os et ma chair ». C'est-à-dire, ce sont les fils de sa mère qui devraient être solidaires avec lui. Ça, ce n'est pas normal. Écoutez ce qu'il dit au verset 1. Abimélec, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous appuyer sur les considérations tribales, ethniques, pour chercher à régner, pour chercher à se faire élire. Aujourd'hui, tous ceux qui s'appuient sur ces considérations n'ont rien compris. Quand je dis que tu es mon frère, ce n'est pas parce que tu es de mon village, de mon ethnie. Tu es mon frère, ça veut dire celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Autre chose que nous devons éviter, c'est éviter d'utiliser des mercenaires pour chercher à régner. Ce que Abimélec a fait, c'est l'équivalent aujourd'hui d'acheter les mercenaires. Il est dit ici au verset 4, « Ils lui donnèrent 70 sicles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. » Acheter des misérables et des turbulents. Donc avec l'argent qu'il a reçu, il a acheté des mercenaires. C'est un exemple à ne pas suivre. Troisième chose qu'Abimélec a utilisée, il a tué les frères de son père. Il a massacré 70 hommes parce qu'ils étaient gênants. Il a cherché à les éliminer pour régner. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans la même famille, il y a des gens qui cherchent à éliminer leurs frères, d'autres physiquement, d'autres par le poison, d'autres par la sorcellerie? Ce n'est pas normal. La Bible dit « Tu ne tueras point ». Dieu interdit de tuer par quelque forme que ce soit, sous quelque forme que ce soit par le poison, que ce soit par les moyens mystiques. Dieu interdit de tuer. Deuxième grande vérité. Nos choix déterminent notre avenir. Lorsque, par exemple, nous voulons choisir nos dirigeants, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan de la mairie, même au niveau de l'église, faisons attention. Ici, les habitants de Sichem, ils ont choisi Abimélec parce qu'il était fils de leur mère. Mais ici, dans cet apologue, cette histoire que Jotham a racontée, il voulait tout simplement montrer que lorsque nous faisons un mauvais choix, ce mauvais choix va déterminer notre avenir, va entraîner des conséquences graves. C'est ce qu'il appelle ici les buissons d'épines. Il dit au verset 15, « Les buissons d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira des buissons d'épines et dévorera le cèdre du Liban. » Et il va dire au verset 16, « Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus ?» Vous voyez? Donc il y a deux choses ici, deux vertus qui ont manqué aux habitants de Sichem pour élire Abimélec. Il y avait la bonne foi, il y avait l'intégrité. Lorsque nous faisons quelque chose, de mauvaise foi et sans intégrité, nous allons récolter les conséquences. Et nous allons voir plus tard les conséquences de ces choix-là que les habitants de Sichem ont fait. Parce que Jotham a prononcé une malédiction, il a dit au verset 20, « Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous préserve de tous ces mauvais comportements. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, le magnifier. C'est Dieu qui nous aime, c'est pourquoi il nous révèle ses vérités. Chantons ces cantiques pour sa gloire. » Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, alléluia, alléluia. Chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Amen. Nous allons élever nos voix. Bénissons l'Éternel. Il est digne de louange. Il est merveilleux. Élevons nos voix. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir dans ce passage Juges 9, 1 en 21, qu'il y a des comportements que nous devrions éviter pour régner. Éviter d'utiliser la fibre ethnique ou tribale pour chercher à régner. Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, il y a le racisme, il y a la xénophobie qui s'est infiltrée même dans l'église. Il y a le tribalisme. Nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre de cet esprit de xénophobie, de tribalisme qui sert de base pour le choix des dirigeants à quelque niveau que ce soit. Prions le Seigneur que cet esprit soit banni au nom de Jésus. Tendre Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, ce matin, ô Père éternel, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Chaque matin, nous nous tournons vers toi pour exprimer notre reconnaissance. Nous le faisons et nous le ferons inlassablement parce que ton amour pour nous ne tarit jamais. Nous prions ce matin, ô Père éternel, contre tout esprit de xénophobie, contre tout esprit de tribalisme, dans le choix des dirigeants, dans le choix des responsables au sein de nos différentes communautés. Nous sommes tous une famille. Nous sommes un en Jésus-Christ et il n'y a pas de barrière ethnique et les choix devraient être faits en fonction des compétences, en fonction de l'appel, en fonction des disponibilités. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous fortifies, que tu nous guides, que tu nous donnes la sagesse au sein de nos communautés afin que nous nous voyions véritablement comme frères et sœurs dans le Seigneur. Merci Père éternel parce que nous savons que tu nous soutiens. Tu nous soutiens dans nos décisions. Tu nous guides et tu nous orientes dans tout ce que nous entreprenons à la gloire de ton nom. Que ton amour soit au centre de toutes choses. Que ton amour soit la base de tout ce que nous entreprenons. Parce que c'est par l'amour que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes un en Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier également. Ici, nous venons de voir que nous devons éviter d'utiliser des mercenaires pour faire du mal, pour tuer. Le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Nous allons prier pour que cet esprit de tuerie, de guerre, de massacre, de viol soit extirpé. Pensons aux pays où il y a la guerre, aux régions où il y a la guerre, aux villages où il y a peut-être des guerres civiles, des régions. Que cet esprit soit vaincu et chassé au nom de Jésus. Que l'esprit de tuerie, l'esprit de haine soit chassé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la vie. te remercions ce matin, notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné la vie, la grâce d'être dans ta présence, dans le sanctuaire, d'apporter les soucis, les peines de tous ceux qui nous écoutent. Nous voulons ce matin te dire que tu as dit dans ta parole, la vie se trouve dans le sang. L'homme n'a pas le pouvoir d'ôter la vie à celui que tu as créé à ton image. Nous prions ce matin. Nous savons comme l'ennemi agit dans tous les pays, surtout en Afrique. Les rébellions, les guerres, les tueries. L'homme n'a plus de valeur à cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause du fétichisme, à cause de tout ce que nous voyons. Oh, viens dans notre secours, même dans l'église, les assassinats, les empoisonnements. Oh Seigneur, viens au secours, viens au secours, viens au secours, viens au secours des pays, viens au secours des familles. Viens au secours, notre Dieu, notre Père, pour que la vie soit préservée. La vie soit préservée. La vie de l'homme soit préservée. Donne gloire à ton nom. Que les cœurs des hommes soient sensibles à la crainte de Dieu. Soient bénis, soient magnifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nos choix déterminent notre avenir. Si nous choisissons des mauvais dirigeants, ces dirigeants ressemblent aux buissons d'épines. Et ces buissons d'épines vont nous faire du mal. Faisons donc attention et prions pour que Dieu nous aide à faire des bons choix. Que ce soit pour ceux qui se préparent au mariage. Que ce soit lorsque nous choisissons les dirigeants dans nos églises, dans nos nations. Prions pour que nous soyons conduits par la sagesse divine pour ne pas faire de mauvais choix, mais que nous puissions faire de bons choix. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons encore ton nom aujourd'hui. Nous élevons ton nom, nous proclamons ta grandeur. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Merci parce que tu as un plan divin pour chacun de nous. Et ta volonté chaque jour, c'est de te connaître, c'est de te faire, c'est de te prier, c'est de te méditer, méditer ta parole, c'est de vivre selon tes préceptes, c'est d'être comme tu le veux. Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons des envies, nous avons des projets, nous avons des attitudes, nous avons des activités à mener. Mais nous ne pouvons pas faire sans ton esprit. Nous ne pouvons pas faire ces choses sans la sagesse divine. Car si nous le faisons, certainement avec notre propre sens, nous allons chuter. Nous allons faillir. Nous allons faire un échec. Nous allons, oh Dieu, échouer. C'est pour cela que nous en appelons à ta grâce. Donne-nous d'avoir un cœur humble. Donne-nous de rechercher ta volonté dans tout ce que nous voulons faire. Dans le choix même de nos conjoints. Dans le choix de nos futurs amis, dans le choix des dirigeants, dans le choix, ô Dieu, de notre travail. Donne-nous de prier, de te consulter en prière. Donne-nous d'être constamment sous ton esprit pour savoir qu'est-ce que nous devons faire, quelle voie emprunter, qu'est-ce que nous devrons engager comme prière, comme voie pour que ta manifestation soit réelle. Merci d'aider quelqu'un aujourd'hui. Merci d'orienter quelqu'un aujourd'hui. Merci d'ouvrir une porte pour quelqu'un qui te cherche en prière aujourd'hui. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons notre rendez-vous bonheur conjugal pour le couple marié. C'est dimanche, donc demain, 5 juin 2016, à partir de 17h au Super. Le thème est celui-ci, la colère, ses sources, ses origines, ses manifestations et ses conséquences dans la vie du foyer chrétien et dans la vie de la famille. Venez à cet enseignement et nous allons passer du temps de prière pour éviter tous les dégâts que nous voyons dans nos foyers. L'entrée est libre, ce sera à partir de 17h. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.